Ce matin, nous allons continuer d'étudier notre beau livre de l'Apocalypse. Et nous sommes dans le chapitre 5, verset 1. Nous avons vu jusqu'à date que il ne faut pas oublier que le livre d'Apocalypse a un contexte bien précis. C'est un contexte où une église souffrait beaucoup. Et cette église reçoit de la part du Seigneur un aide, un encouragement par cette lettre. On a vu que l'église était dans un moment critique de son histoire, et tout ceci à cause d'une haute persécution, d'une forte persécution de la part des Romains. Et le Seigneur Jésus donne des avertissements très, très sérieux aux sept églises de l'Asie. Ces églises sont en difficulté spirituelle. Et le Seigneur Jésus leur dit, voici ce qui va arriver à ceux qui vont persévérer, qui vont vaincre, et voici ce qui va arriver à ceux qui vont abandonner la foi, qui vont me rejeter pour sauver leur vie, ou leur bien, ou leur réputation. Quand il eut fini de parler aux sept églises, il dit à l'apôtre Jean, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans l'avenir. » Donc l'avenir de l'Église est révélé dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas une révélation personnelle, mais une révélation pour l'Église dans son entier et pour toute l'Église. Pas juste l'Église du 20e siècle, mais pour toute l'Église. Donc ce livre est un sujet d'encouragement, d'avertissement à tous les enfants de Dieu depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. Au chapitre 4, avant de commencer à lui dire ce qui va arriver, il va présenter à Jean celui qui a fait l'avenir. Et au chapitre 4, nous voyons une vision merveilleuse, splendide, de la personne de Dieu, assis sur un trône élevé, qui est entouré d'une arc-en-ciel, d'une mer de verre, et il y a des êtres de toutes les espèces, si je peux dire ainsi, autour du trône et qui adorent Dieu. Il dit, tu es digne d'adoration parce que tu as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as tout planifié. C'est toi qui as tout organisé avec un but bien précis. Et le but bien précis, ne l'oublions pas, frères et sœurs. Le but, ce n'est pas nous. Nous avons été créés comme le restant des choses pour un seul but, pour la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 5, mais encore une fois, il ne va pas commencer à parler des différents événements, mais de présenter celui qui va mettre en application, celui qui va, on pourrait dire, faire l'avenir, qui va contrôler l'avenir. C'est comme si Dieu avait été l'architecte du plan de la maison. Et ce matin, ils vont nous présenter le contracteur qui va faire la maison. Et ce matin, ici, il va démontrer celui qui va être utilisé par Dieu, ou ceux qui vont être utilisés par Dieu dans l'avenir. Aussi, il va nous parler de d'autres personnages. Mais ici, c'est ce personnage-là ici qui va contrôler, qui va être le contracteur en chef du plan de Dieu et qui va l'emmener à son aboutissement final et parfait. Nous allons, si vous voulez bien, regarder ensemble le chapitre 5. Si vous voulez y tourner, si vous n'êtes pas déjà rendu là, allez-y. Et on va ensemble regarder. Lisons ensemble les premiers 4 versets. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurai beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » C'est pareil comme ici, Jean voit devant lui le livre qui contient l'avenir, les différents événements qui vont arriver, mais il n'y a personne qui est digne de le prendre dans tout le ciel. Personne n'est digne de contrôler l'avenir ou de faire arriver les événements que Dieu a planifiés. Mais Noé qui a dit à Jean, « Ne t'en fais pas, Jean, n'aie pas peur, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est digne. » Et il va nous présenter ce personnage-là et il va nous dire pourquoi ce personnage-là est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de faire arriver les événements qui ont été planifiés par Dieu. Souvent, quand j'étais jeune chrétien, on m'a parlé de l'Apocalypse, et là, on nous citait les Russes avec les Chinois, puis les Chinois contre les Américains, puis les Américains contre les Arabes. Faut oublier ça, mes frères et sœurs. Le livre de l'Apocalypse, c'est le ciel qui se lève contre la terre. Ce n'est pas une guerre entre les hommes, c'est une guerre entre le ciel et la terre, une guerre à finir. Dieu va mettre une fin à l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons. Il va amener une fin au mal, pas dans le sens qu'il va le détruire dans le sens qu'il n'en aurait plus. Il va l'enfermer dans l'enfer, le mal, et tous ceux qui sont compris là-dedans. Ange et humain. Mais pour que ces événements-là se fassent, se déroulent, se manifestent, ça prend quelqu'un, et Jean va nous le présenter ce matin d'une façon merveilleuse. L'un des vieillards, les 24 vieillards qu'on avait vus au chapitre 4, me dit, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Donc, la première raison pour laquelle le personnage est digne, c'est, il nous présente en disant, premièrement, c'est le lion de Juda. Ça vient, ça, de ce terme-là vient de livre de l'Ancien Testament, où est-ce que c'est Jacob qui parle à ses fils, qui les bénit. Non, c'est Jacob ouais, qui bénit les enfants de Joseph. Puis là, il fait des prophéties sur les 12 tribus. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Je reviens du carnage, mon fils. Il poie les genoux, se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Que les peuples lui obéissent. Shiloh, c'est la présence de Dieu, c'est celui qui est envoyé de Dieu. Donc, il dit, c'est le lion de Juda, c'est celui qui va régner sur toute chose. qu'est-ce qu'il dit, la main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est lui qui va régner sur les ennemis d'Israël. Ensuite, il le présente comme le rejeton de David. Dans Isaïe 11, verset 1, c'est marqué, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans Jérémie 23, verset 5, voici les jours viennent de l'Éternel, où je suscitterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici donc le nom. On l'appellera l'Éternel, notre justice. Donc, on l'appelle le lion de Juda. On l'appelle le rejeton de David. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a vaincu. Il dit, il a vaincu pour ouvrir le livre des sept sceaux. Il a vaincu. Qu'est-ce qui le rend digne? C'est qu'il a vaincu. Qui? Tous les ennemis qu'on peut imaginer et voir. Tous les ennemis de Dieu. Il les a vaincus. Autant célestes que humains, que diaboliques. Il les a vaincus. Souvenez quand Jésus est ressuscité, il dit, à un moment donné, il dit, j'ai vaincu le monde. Dans le mot monde, on pourra y intégrer tout ce qu'on veut. J'ai vaincu. Donc j'ai le droit d'ouvrir le livre de la destinée humaine. Le livre qui contient les sept sceaux. Les Bibles vont marcher par sept. Sept sceaux, sept trompettes et sept calices ou sept coupes. 21 fléaux vont s'abattre sur la terre. Ce n'est pas entre les hommes qu'on va se tirer. Ce n'est pas la bombe atomique qui va faire le problème ici. Ce n'est pas les bombes chimiques ou les bombes avec des produits là, dedans, là, des bébites dedans. Là, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des bombes... En tout cas. C'est le ciel qui a vécu sur la terre. Et ça, ça rend digne Jésus. Et on sait qu'il a vaincu la mort, le péché, le monde, Satan, par sa mort à la croix. On sait, nous, parce qu'on a vu l'histoire du Nouveau Testament. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort, le péché, le diable. Il a écrasé la tête. Il a vaincu. Je suis content qu'il ait vaincu, parce que moi, je ne pouvais pas vaincre. Moi, je ne pouvais pas. Je pouvais pas me libérer moi-même. Mais lui est venu. Il a eu la victoire sur mes ennemis. Ses ennemis, mais en même temps, mes ennemis. OK, regardons maintenant la deuxième raison pour laquelle il a été rendu digne. Au verset 6. Et je vis au milieu du trône... et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, devant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » La deuxième raison, c'est qu'il a été immolé. Il est l'agneau immolé pour le peuple de Dieu. D'abord, il le présente comme étant celui qui possède les sept cornes. Dans la Bible, les cornes sont toujours, signe de la puissance. Si vous regardez dans les livres de l'Ancien Testament qui parlent des prophéties de la fin des temps, vous allez voir des animaux. Et plus la corne est grosse, plus l'animal est puissant. Et c'est un peu comme ça aussi. Hein. Vous voyez sur les animaux qui ont des cornes, Plus les cornes sont longues, plus les cornes sont fortes et dures et grosses, plus ça donne de la puissance à celui qui les porte. Donc le Seigneur puisse nous aider à avoir confiance en cette puissance. Il possède aussi les 7 yeux. Et quoi que les yeux sont, on pourra considérer la présence de Dieu, ou l'omniprésence de Dieu, ou le fait que Dieu sait tout. Il y en a d'autres qui disent que les 7 yeux représentent la sagesse totale de Dieu. Mais on sait que le chiffre 7, c'est toujours quelque chose de, qui parle de choses de complet, de choses qui est complètement, qui est à son maximum, je pourrais dire. Et il nous le présente comme celui à qui on présente des prières. On lui présente la prière des saints. Il se prosterne devant l'agneau, les vieillards, les 4 êtres vivants, et il présente des coupes pleines de prières des saints. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande que Dieu amène son jugement sur la terre. Il demande que Dieu amène la fin, un peu comme ceux qui sont sous l'autel, qu'on va voir un peu plus loin dans l'Apocalypse. Tous ces saints qui sont déjà morts avant nous, ils crient, « Quand est-ce? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas attendre? Jusqu'à quand tu vas patienter pour faire justice à tes enfants? » Il reçoit aussi un cantique nouveau. De la part des vieillards et des 24 et des 4 êtres vivants, qui chantent un cantique qui rend gloire à Dieu, qui rend gloire à Jésus-Christ, comme était celui qui a le droit d'ouvrir le livre et de dévoiler les sceaux. Parce qu'il a été. Il dit parce qu'il a été immolé, parce qu'il a racheté le peuple de Dieu. C'est lui qui a le droit de diriger la destinée du peuple de Dieu, parce que c'est lui qui a racheté le peuple de Dieu. C'est lui qui a payé pour posséder ce peuple-là. C'est lui qui a vaincu les ennemis du peuple de Dieu. Comment est-ce qu'il a fait ça? Bien, c'est marqué ici. L'agneau immolé. Donc, il a été mis à la croix. Il a souffert, il est mort. Pour avoir le droit de régner sur ce peuple-là, d'en prendre possession et d'en détruire ses ennemis. Donc, premièrement, il dit, il a le droit, hein, parce qu'il a vaincu les ennemis du peuple de Dieu. Il a le droit parce qu'il est mort pour racheter ce peuple de Dieu-là. Donc, après être mort pour eux, avoir payé de sa vie pour en prendre possession, pour les racheter, pour les sauver, pour les délivrer, c'est normal qu'il ait le droit d'en diriger l'avenir, d'en contrôler leur avenir. Il va nous donner maintenant une troisième raison, de verset 11. 11 à 14. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen !» Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. La dernière raison qui rend Jésus digne, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu. « Ce texte-là, c'était merveilleux pour démontrer à tous ceux qui ne croient pas la divinité de Jésus-Christ que Jésus-Christ est bien Dieu. Premièrement, il dit, à toi la louange. La louange vient de qui? Par toutes les créatures célestes, par toutes les créatures terrestres, tout ce qui peut avoir été existé ou créé doit lui rendre louange. À Dieu et à l'agneau. À Dieu et à l'agneau. Pas juste à Dieu, aux deux. Et si vous regardez dans le Nouveau Testament, dans l'île de l'Apocalypse, vous allez voir que Jésus reçoit la louange. Les gens se prosternent devant lui. Les gens l'adorent. À lui soit l'honneur, la puissance, la gloire au siècle des siècles. C'est à lui, les deux. Dieu est. Donc, si c'est Dieu le Père qui a créé l'avenir, c'est Dieu le Fils qui va l'accomplir. C'est Dieu le Fils qui va la faire arriver. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Le mot aussi, c'est littéralement quand ils ont vu Jésus, quand ils l'ont vu sur ce trône, lui, cet agneau, avec cette corne et sept yeux, cet agneau plein de force, de puissance, de sagesse, d'amour, cet agneau immolé, saigné. Littéralement, cette prosternation, ça veut dire qu'ils sont tombés. Ils sont considérés comme écrasés. C'est comme si les genoux avaient lâché et ça tombait à genoux. Et se prosterner face contre terre devant cet être-là. Il ne faut pas perdre ça de vue. Aujourd'hui, on présente Jésus comme My friend Jesus. Jésus, c'est notre ami. Jésus aime tout le monde. Jésus, c'est vrai ça. Jésus, c'est notre ami. Jésus nous aime à la folie, à l'infini. C'est pas juste un chum. C'est un être que si vous le verriez ce matin, c'est pas un beau grand blond aux yeux bleus. Je penserais pas. Si vous le verriez ce matin, si vous arriviez devant lui et que vous le contempleriez en tant que chrétien, vous tomberiez à genoux, face à terre, et vous l'adoreriez. Sont-ils capables de voir? C'est ce qu'on ferait. C'est ce qu'on ferait. Qu'est-ce que ça veut dire adorer? Beaucoup de gens vont dire que l'adorer, c'est... On adore Dieu en chantant, on adore Dieu en le servant, on adore Dieu en lisant la Bible, on adore Dieu en priant, on fait des prières d'adoration. Personnellement, je crois que l'adoration, ce n'est pas des choses que l'on fait. Mais à cause qu'on adore Dieu, on va le chanter, on va le louer, on va le prier, on va le servir. Mais l'adoration, c'est quelque chose qui vient du cœur, de l'intérieur de nous. Ça vient de notre âme, ça vient de notre personne, dans le plus profond de nous. Un sentiment d'admiration, un sentiment d'émerveillement devant la personne de Dieu, devant la personne de Jésus-Christ. On l'adore. Quand on adore quelqu'un, on lui fait confiance aussi. Qu'est-ce qu'on tire de ce livre ce matin? Qu'est-ce qu'on tire de ce livre? Ce livre des sept sceaux, on va le voir les autres semaines, on va le voir qu'est-ce qu'il contient. Et ce ne sera pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est des châtiments. C'est des choses qui arrivent qui sont là pour juger, pour condamner. Ceux qui n'ont pas gardé la foi. Ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Ceux qui ont rejeté Dieu. Mais pour nous ce matin, quand on voit le chapitre 4 et qu'on voit le chapitre 5, nous sommes devant deux êtres merveilleux, infinis, deux êtres sages, deux êtres pleins d'amour, d'affection, pleins de compassion, de miséricorde devant la situation de leur peuple, l'Église. Mais en même temps, ils sont remplis de force, de puissance, de tonnerre, d'éclairs. Deux êtres qui sont assis sur des trônes, qui contrôlent toutes choses, qui ne sont pas surpris ou énervés devant la situation mondiale. Il y a un verset qui me surprend, qui m'a toujours surpris agréablement. La plus grande catastrophe de l'humanité dans le passé, c'est le déluge, parce qu'il y en est resté juste 8 personnes sur toute la population de la Terre existante à ce moment-là. C'était toute une catastrophe. Mais la Bible nous dit dans les psaumes, Dieu était assis sur son trône lors du déluge. Pourquoi? Parce que c'était son plan. C'est lui qui avait planifié le déluge. C'est pas le déluge qui l'a dit, oh, Dieu, oh, mon ami, je pensais jamais qu'il mouillerait tant que ça. Mais non. C'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui l'a amené. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'avait planifié. Tout le monde a paniqué. Mais pas Noé. Noé avait eu confiance dans ce que Dieu avait dit. Il avait préparé son arche et embarqué dans son arche. Et il était en paix et confiant. Peu importe ce qui arrive, frère et soeur, peu importe ce qu'on entend par rapport aux guerres, aux bruits de guerre, aux armes chimiques, biologiques et tout ce que vous voulez. Oui, il peut en sauter des bombes. Mais rappelons-nous une chose. Ce n'est pas ça qui va amener la fin du monde. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui va amener la fin du monde. Donc, reposons-nous en paix. Et nous pouvons regarder l'avenir. L'important pour nous, ce n'est pas de connaître l'avenir. L'important pour nous, c'est de garder la foi. Peu importe ce qui arrive. D'accepter d'être rejeté, d'accepter même la mort, si jamais un jour Dieu nous appelle à cela, afin de pouvoir être avec lui pour l'éternité et régner avec lui pour l'éternité. Que le Seigneur puisse bénir nos cœurs par ces versets ce matin. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour nous montrer ce matin que tu es toi, qui es au contrôle du monde entier, donc au contrôle aussi de notre vie personnelle. Rien ne nous arrive qui n'a été prévu par toi. Rien ne nous arrivera qui n'a pas été planifié et contrôlé par toi et par ton Fils Jésus. Dans les moments difficiles de notre vie, aide-nous à nous rappeler de cela par le Saint-Esprit. Si jamais le doute vient dans notre vie, si les tentations, si les souffrances, les persécutions, le rejet et même la mort, donne-nous la grâce de nous rappeler ce chapitre 4, ce chapitre 5, et de se souvenir que tu es au contrôle, afin de garder la foi, peu importe quoi, peu importe ce qui peut arriver. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous tombons à genoux avec les anges, avec les 4 êtres vivants, avec les 24 veillards. Nous prosternons et nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons. Notre cœur est rempli d'admiration. Notre cœur est rempli de joie devant un tel Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider ce matin. Et dans la semaine qui vient, à l'aide de ceux qui vont resplendir de la vérité avec les gens que nous côtoyons tous les jours, enfants, mari, famille, copains de travail, copains d'école, qu'on puisse resplendir de la vérité, de resplendir de la paix qui vient que nous savons que celui qui contrôle l'avenir, c'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est notre Sauveur. Sois glorifié. Amen.